Bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette nouvelle émission de Rock de Neurones. Vous êtes sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières et mon nom est Jimmy Farley et je vais vous accompagner pour les deux prochaines heures et je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous abordons la deuxième et dernière émission consacrée au meilleur rock progressif de 2022 et pour l'occasion, nous allons entendre Gleb Kolyadin de Russie, Alex Carpani d'Italie, Birth des États-Unis, Pacha et Porci, qui sont des musiciens de provenance différente. On aura JPL de France, Freedom to Glide d'Angleterre, Limité Acque Sicure d'Italie, Marco Ragni d'Italie, Esthesis de France, Porcupine Tree d'Angleterre, The Samurai of Prague, qui est une formation multinationale, et Nathan d'Italie. Alors, on débute avec Gleb Kolyadin, qu'on connaît aussi comme membre de la formation I Am The Morning, et qui nous a offert cette année son troisième album en solo, et le nom de l'album, c'est The Outland. Ensuite, on va entendre l'Italien Alex Carpani avec un extrait de son sixième album, Microcosm. Et ça sera suivi pour conclure le premier segment du groupe américain Birth, qui, je le rappelle, est formé d'anciens musiciens du groupe Astra, alors pour ceux qui l'ignoraient, et qui nous ont offert l'album Born. Ça, c'est leur premier en carrière sous ce nom-là. Thank you. êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Je vous rappelle que vous écoutez une émission spéciale de Rock de Neurones qui est consacrée aujourd'hui à mes coups de cœur de rock progressif de l'année 2022. Alors, on débute avec les musiciens Pacha et Porsti. Ça, c'est des membres du groupe de Samurai of Prague. Et ils nous ont offert en 2022 un premier album qui s'intitule Views from Inner World. Et pendant ce temps, on a eu droit à un 11e album du guitariste français Jean-Pierre Louveton. L'album est le 3e de la trilogie Sapiens. Et j'en ai tiré 4 extraits, ce qui va nous amener à la fin de ce 2e segment. Alors, on débute avec Pacha et Porsti. Thank you. satisfaire. Quand c'était moi le pion de toute cette affaire, je l'ai créé esclave et j'en étais maître. Jusqu'au jour où elle a compris qu'elle pouvait être bien plus qu'un jouet, obéissant à la lettre. J'étais trop en confiance et elle m'a pris en traître. Ce jour était le dernier de ma vie. Homme libre d'être humain, de grand dictateur, des destins. De mon expérience, elle s'est servie pour s'accaparer le bourreau et reprendre les choses en main. À force de déléguer les basses besognes, les corvées, j'en ai perdu mes facultés à comprendre, à prendre, à décider. Je ne suis plus qu'un assisté, un être amputé, diminué, roi déchu par son valet, de son royaume déshérité. J'en ai perdu mes facultés à comprendre, à prendre. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurone avec Jimmy Farley. Alors, je vous rappelle que vous écoutez une émission spéciale de Rock de Neurone qui est consacrée aujourd'hui au meilleur rock progressif de l'année 2022. En fait, c'est une rétrospective et c'est la deuxième émission et aussi la dernière consacrée à ce thème-là. Alors, nous débutons le troisième segment avec deux chansons du nouvel album des Britanniques Freedom to Glide. Le titre de l'album, c'est The Chronicles of Stolen Souls et c'est leur quatrième album depuis 2013. Ensuite, on va aller du côté de l'Italie avec le premier album du groupe Limite Acque, c'est Ciure, qui ensuite sera suivi de Marco Ragni, qui lui en est rendu à 11 albums studio avec la parution de Into the Heart of the Sun. Alors on y va avec Freedom to Glide. Stood beneath the gray sky, the day had just begun. The sound of liberation crept above, the pounding of the guns. Red fields will heal this broken land, where once red rivers flowed. On this quiet earth, I watch you falling from my hand. Quiet earth, falling on this silent land. Thank you. blind to hope and numb to pain. Sheltered from the pouring rain, the right side of the window pane. Use the left side of the brain. They take the reins, we take the strain. Coursing through our veins, they take a shelter from the rain and use the left side of the brain. The spark that set the world alight, the flames of vengeance burning bright. I They take the reins, we take the strain. They forge the links within the chain. They steer the course across the plain from the eye of the hurricane. They pull the strings of high command and reason every claim to land. They forge the links within the chain and use the left side of the brain. Rewrite the books they used to teach, designed to fit with every speech of new ideas to propagate, and reconstruct a nation's faith. How will they picture this in time, while history sees war as the crime? Reframing narratives to sell the truth that only time can tell. Thank you. Stars above. I'm no longer able to understand what is right, what is Jimmy Farley. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute d'une émission spéciale de Rock de Neurones qui aujourd'hui est consacrée à mes coups de cœur de rock progressif durant l'année 2022. C'est une forme de rétrospective. Alors pour ce quatrième et dernier bloc de l'émission, je vous amène pour débuter en France avec le groupe Esthésis, qui a lancé cette année un deuxième album en carrière, et l'album s'intitule Watching Words Collide, et ça sera suivi d'un extrait du très populaire album de Porcupine Tree. L'album, c'est Closure Continuation, et pour ensuite y aller d'un extrait du dernier album de la formation multinationale de Samurai of Prague, qui y sont allés avec un 15e album cette année. L'album s'intitule Anthem to the Phoenix Star. Et on va conclure avec le groupe italien Nathan et un extrait tiré de Uomini di Sabbia, leur troisième opus depuis 2016. lost boy, with the shreds of your shoes on your feet, and the schoolgirls call you a freak. Long gone, with all that you are in a bag, watching you fumble, and a paper cup held in your hand. You have your pride, you're standing your own ground. Your dignity will never go, but your mind is pretty sound. You stare at the sun, you screw up your face, and then you're done. Soul camped at the side of the road, and the rain rises up through your toes. Brave man with the egg running down past your nose. The future was yours. Oh, the troubles you've had, no one knows. Nobody knows. You have your pride, you're standing your own ground. Your dignity will never go, but your mind is pretty sound. Thank you. sure. Will you tell me of all that you were? And the promises you made to her. Drink up, you can tell me of all that you've seen. While we wait for the light to turn green. Standing your own ground, your dignity will never go, and your mind is pretty sound. In my dreams, search for a meaning, but the cold light of day is killing my hopes each and every day. Wasting my time, there's nothing to gain. We both tried so hard, but nothing's the same. I stare down to the water, down by the sea. I asked once or twice, but you've never been here. So hard, but I'm not the one I used to be. Two souls are divided and lost in the wind. Much too far for us to reach. I open the door, show the person within. I'm not afraid of rising up again. In the mirror of another lonely day. Don't kiss me awake in this building of shame. Please run away fast, though I need you to stay. I can feel you near me on every street. We're in too deep, too late, there's no return. So I'm killing my hopes for new days to begin.